Par exemple, je vais pas faire un jeu. Encore, t'es insulté, mon pote. Encore, t'as dit. Mais c'est vrai, t'as tout ça, même. Bon, d'accord, vous avez craqué ou quoi? J'ai fumé, je me suis saoulé. Et oui, la roue a tourné. Frérot, je t'ai pardonné. Mais j'ai pas oublié. Quand t'en penses, il faut assumer. Et si tu savais, Aïma, j'ai trop galéré, Aïma. Que je tourne en rond, Aïma. Y'a trop de jaloux, Aïma. Ouais, y'a trop de jaloux, Aïma. Ils veulent mon vivre, Aïma. Ils veulent ma perte, Aïma. Ils veulent ma tête. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Tu connais rien de mes problèmes. Non, tu connais rien de mes problèmes. Non, tu connais rien de mes problèmes. Non, tu connais rien de ma vie. J'ai rêvé de toucher le ciel. J'ai mis les voiles, je voulais toucher les étoiles. Et j'ai déployé mes ailes. J'abonnais comme un fou, ils m'ont pris pour un fou. C'est pas où la vie nous mène. On se tue comme des loups, j'écoute pas les jaloux. Ils connaissent rien de mes problèmes. Si tu savais, Aïma, j'ai trop galéré, Aïma. Que je tourne en rond, Aïma. Y'a trop de jaloux, Aïma. Ouais, y'a trop de jaloux, Aïma. Ils veulent mon vivre, Aïma. Ils veulent ma perte, Aïma. Ils veulent ma tête. Mais j'm'en fous. Tu connais rien de mes problèmes. Non, tu connais rien de mes problèmes. Non, tu connais rien de mes problèmes. Ma vie. Si tu savais, Aïma, j'ai trop galéré, Aïma. Que je tourne en rond, Aïma. Y'a trop de jaloux, Aïma. Ouais, y'a trop de jaloux, Aïma. Ils veulent mon vivre, Aïma. Ils veulent ma perte, Aïma. Ils veulent ma tête. Mais j'm'en fous. Tu connais rien de mes problèmes. J'ai trop galéré, Aïma. Que je tourne en rond, Aïma. Y'a trop de jaloux, Aïma. Ouais, y'a trop de jaloux, Aïma. Ils veulent mon vivre, Aïma. Ils veulent ma perte, Aïma. Ils veulent ma tête. Mais j'm'en fous.